Mais c'est un petit chou, là, c'est tout. En fait, les instruments, ils sont ensemble. Le patron du lieu. Podemos saber lo que va a ocurrir.